Pomme de rainette et pomme d'api, tapi, tapi rouge. Pomme de rainette et pomme d'api, tapi, tapi gris. Yeah. Il est pour ma crasse et fesse ou non. Nous pas mêler et puis non mou. Ou dit ou pas qu'à coquer au premier rendez-vous. Mais bizarre, loulou, a tes aïe en chien. On est un baguette bien dur, faut chambre. Chassi, pinka, débordé en tamoué. Nous cas sexuellement, ou pas femme. Nous cas coquer, ex et tout ou pas non mou. On y pi. Prends ma caquette et prends appui. Tapi, tapi rose. Prends ma caquette et prends appui. J'ai la caquette qui mouille. Prends ma caquette et prends appui. Tapi, tapi. Tu agis, ou plutôt que tu agis. Dis-moi bien où tu habites. Mais mille réclame ta rose vite, ne me donne pas de bullshit. Je monte sur mon Uber beat. Mange à qu'arrivé épilé. Et où coupe nous qui écrasé. Gardez-moi bien, mange à maté. Montrez-moi où ça fait vibrer. Prends ma caquette et prends appui. Tapi, tapi rose. Prends ma caquette et prends appui. J'ai la caquette. Crachant l'eau de l'eau, en zawa ou les tiens, mais moi pas d'eau. Petit côté baba, moi tous, et sa ka fraca tête yo. Bad bitch, qui pété yo. Attrape ta comptine, j'ai besoin que tu devines. À quelle sauce que tu me manges à la cantine, pour appuyer sous tes platines. Je serai ta beauté divine, chargé pété moi qu'on carabine. Prends ma caquette et prends appui, tapi, tapi rose. Prends ma caquette et prends appui, j'ai la caquette qui mouille. Prends ma caquette et prends appui. Allez.